France Culture, la nuit, 1h, 6h du matin. Shadows, Faces, Une femme sous influence, Le meurtre d'un bookmaker chinois, quelques titres de John Cassavetes. John Cassavetes, le réalisateur, mais aussi l'acteur, on se souvient de lui, dans Rosemary's Baby. Des personnages souvent loquaces, soudain silencieux, parfois flirtant avec la folie, des invités dans l'émission qui suit, loquaces eux-mêmes, admiratifs, et qui s'interrogent longtemps après avoir vu les films sur les scénarios, sur les motifs des personnages. Rediffusion d'un mardi du cinéma, proposée pour la première fois sur France Culture le 12 novembre 1985. John Cassavetes, Moment d'amour, une émission proposée par Cécile Amcy. Hollywood, juillet 83. John Cassavetes tourne Love Streams, dans les mêmes conditions que Faces, réalisé 15 ans auparavant. Petite équipe, tournage dans sa maison à Hollywood, avec sa femme, l'actrice Gina Rowlands, et lui-même, dans les principaux rôles. Ce soir, tournage des plans 145, 146, 147. Je crois que c'est un cinéaste qui n'essaie pas de se rapprocher de certains modèles hollywoodiens ou non hollywoodiens et qui essaie de transmettre une série de sensations à travers des scénarios. Bon, mais je crois que le mot sensation est important parce que ce n'est pas un cinéma conceptuel, ce n'est pas non plus un cinéma sentimental. Comme ça, ce n'est pas un cinéma qui fonctionne sur la construction d'une histoire, même s'il y a une histoire, et c'est un cinéma qui procède par enchaînement de sensations. Et le seul critère d'une prise au moment où on réalise le film, c'est de savoir si la sensation passe ou ne passe pas. Donc ce n'est pas, le problème n'est pas de savoir si on a tourné le plan qu'il faut pour aller du plan A au plan C, si on a bien tourné le plan B, mais c'est de savoir si en lui-même, déjà, le plan B a une autonomie et transmet cette espèce de tremblement qu'il arrive à obtenir et qui fait un peu sa marque, je trouve, parce qu'il arrive, c'est-à-dire l'espèce de tremblement du présent, disons. Je suis un acteur professionnel et un cinéaste amateur. C'est ainsi que se définit John Cassavetes, acteur et réalisateur américain d'origine grecque, né à New York en 1929. Acteur remarqué, il a été dans Les Tueurs de Don Siegel, Les Douze Salopards de Robert Aldrich et Rosemary's Baby de Roman Polanski. Mais acteur, il l'est surtout si on l'en croit, pour financer ses propres films de cinéaste amateur, n'aimant pas les étiquettes, parmi lesquels Shadows, Ombre, son premier film, Faces, Visage, Husbands, les maris, Une femme sous influence, Le meurtre d'un bookmaker chinois, Gloria et Love Streams, son dernier film. J'ai vu Shadow, c'est le premier que j'avais vu. Je l'ai vu tout à fait par hasard, c'est-à-dire que je ne savais pas du tout qui était Cassavetes à l'époque. J'étais étudiante, je suis entrée dans le cinéma, j'ai vu ça. Et je suis sortie dans un état de bonheur total. C'est-à-dire que j'ai eu une impression de liberté, par rapport à une façon de filmer, c'est-à-dire qu'il suivait, c'était un groupe de gens qui étaient filmés dans New York. Je serais incapable de raconter l'histoire du film maintenant. C'est pas sur l'histoire que j'ai été touchée, c'était sur la façon dont les gens étaient montrés. Et ça, je l'avais jamais vu. Et une sorte de fluidité, d'approche complètement sensible des gens qui étaient là, qui n'étaient pas des acteurs, qui étaient des personnes que je ne connaissais pas, et qui, brutalement, me paraissaient très très proches. Enfin. Et c'est sur ce regard-là, sur cette façon d'être avec les gens, d'être auprès des gens, que j'ai aimé cet homme qui avait fait ça. Et que j'ai eu envie de voir ce qu'il allait faire après. Pourquoi ça s'appelait Ombre, Shadows ? Si mes souvenirs sont bons, il y avait beaucoup de scènes de nuit, en fait. Il me semble qu'il y avait des... Et les personnages aussi, il n'y avait pas la structure de narration habituelle qui est, il y a un héros, un personnage fort ou faible, enfin, etc., mais qui est le leader de l'action, etc. C'était quelque chose de beaucoup plus fluide, enfin. J'ai un souvenir, c'est le souvenir que j'en ai, très grande fluidité, comme ça, des relations entre les gens. John, à qui Cazavetz vient d'expliquer la scène, a rencontré Gina Rowlands dans un bowling. Tard dans la nuit, il la raccompagne chez elle. C'est cette scène très simple que Cazavetz va découper en trois plans. Le premier plan de la scène, le 145, sera un plan large, filmé de la fenêtre du premier étage. Attendez, on pourrait peut-être alors à ce moment-là essayer de commencer par le commencement. Vous l'avez rencontré comment, John Cazavetes ? Justement, pas au commencement. Non, je l'ai rencontré un jour, j'étais aux États-Unis pour filmer des cinéastes américains. André-Sylvain Labarthe, producteur d'un portrait de John Cazavetes pour l'émission Cinéaste de notre temps. Et puis, voilà, je lui ai téléphoné. Vous aviez déjà vu des... Oui, j'avais déjà vu deux films, les deux films qui étaient sortis en France de lui, c'est-à-dire Shadows et To Let Blues. Et j'avais rencontré à Paris un type qui s'appelle Papatakis, qui était à l'époque cinéaste, mais qui venait d'autres horizons. C'est lui qui avait créé La Rose Rouge à Paris, etc. C'était une espèce de noctambule, comme ça. Et ce type-là m'avait parlé de John... Il m'avait expliqué surtout qu'il avait été à l'origine de Shadows, dans la mesure où c'est lui qui l'avait en partie, en tout cas, produit. C'est lui qui, à New York, avait fait une espèce de collecte pour trouver de l'argent pour que Cazavetes puisse réaliser Shadows. Alors ça, c'était en quelle année ? Ma rencontre, là, c'était en 65, je crois. Oui, 65. Donc, je lui téléphone, il dit « Ok, venez ». Et comme j'étais avec une équipe de la télé, Non, d'abord seul. Puis je lui dis, voilà, je suis avec une équipe, il me dit, alors là, ça m'emmerde, je n'ai pas envie de parler, d'être filmé. Je comprends ça très bien, d'ailleurs, on n'a pas filmé, rien du tout, mais c'est encore mieux. Et puis, je l'ai rencontré comme ça plusieurs fois, et puis, un jour, il a dit, bon, ben, on peut y aller, hein, après tout. Et voilà, et puis, on a filmé comme ça une journée, dans sa maison. Et ce qu'il y avait d'intéressant, on était tombé à un moment intéressant, et c'est peut-être pour ça qu'il a finalement il a accédé à notre demande, c'est qu'il venait de tourner Faces, et il était en train de le monter. Et de même qu'il avait tourné avec ses propres moyens, c'est-à-dire en convertissant l'argent qu'il avait touché, ou qu'il touchait, au fur et à mesure, enfin ses cachets d'acteurs, disons, il convertissait ça en moyens de production, en achat de matériel, il avait acheté des caméras, des choses comme ça. Et il avait appris à ses comédiens, par exemple, à savoir charger une caméra, la tenir aussi, etc. Bref, il avait fait ce travail de production et de réalisation de façon complètement indépendante, en tournant dans sa propre maison. L'histoire de Fessy, ça se passe dans sa propre maison. Il y a juste une incursion dans un bar à Hollywood, une espèce de bar. Comme ça, tout se passe dans cette maison. Et ensuite, il a transformé son garage en salle de montage. Il a monté ça, je crois. Il a mis deux ou trois ans pour monter le film. C'est ce film Faces dont il a fait 125 heures de... Oui, c'est ça. Il y avait une centaine d'heures, je crois, de rush. Et il a fait un film qui dure 2h30, je crois. Et puis après, ce film-là est allé au Festival de Venise en 68, Alors là, il est passé par Paris. Alors il m'avait téléphoné en disant qu'il est passé à Paris. Alors on s'est vu à ce moment-là. J'ai refilmé. J'ai retravaillé avec lui sur. Je l'ai refilmé 3 ans après, parlant du même film. Et puis ensuite, donc il est allé à Venise où il a obtenu un prix. C'était cette année-là l'un des 2 meilleurs films de Venise. C'était celui-ci et puis un film de Carmelo Bene. C'est un peu comme des gens comme Welles. C'est le contraire de. On pourrait dire de, peut-être de Visconti. Visconti, quand on voit un plan de Visconti, on a l'impression que le plan il existait avant d'être filmé. Même Fellini, des gens comme ça. Ou le cinéma hollywoodien, c'est-à-dire un cinéma qui est découpé à l'avance, et le découpage, il préexiste au filmage. Or, ce cinéma de Bene, de Welles, ou de Cassavetes, enfin, de quelques autres, c'est un cinéma où on a, dans le meilleur des cas, on n'a pas l'impression que le plan, ce qu'on voit sur l'écran, existait une seconde avant. C'était quelque chose qui arrivait du néant, qui arrive du néant. Voilà ce que j'aime bien, ce côté un peu météorite. ...1976, Paula Jacques interviewait John Cassavetes. L'originalité de Cassavetes est à la fois de s'être écarté des modes hollywoodiennes par les thèmes, mais également par la réalisation, parce qu'il travaille tout à fait à l'écart des majors compagnies, sans leur argent. Il tourne ses films avec son propre argent et avec l'aide de sa famille artiste et très très nombreuse, c'est-à-dire le papa, la maman, le cousin, la femme, et la femme qui est vraiment géniale, puisqu'elle s'appelle Gina Rowlands et qu'elle interprète tous les films de John Cassavetes. Mais j'ai voulu en savoir davantage sur le système du home movie. System of the home movie. Right. I'm shocked. Je suis complètement choqué par l'expression home movie parce que d'abord c'est pas ma maison et deuxièmement c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'un home movie parce que ce qu'on essaie de faire c'est de parler des choses qui peuvent vraiment, enfin qui concernent le public et c'est aussi pas justement essayer d'amuser le public ou d'être les manipuler en prenant des émotions extrêmes, par exemple de montrer la violence. On essaie de vraiment parler des choses qui les concernent et qui donc sont beaucoup plus difficiles à montrer. Une femme sous influence, 1975. Son cinéma est un cinéma de l'excès, mais aussi de caractère. C'est très difficile de parler du caractère. Guy Dana. On parlera plus volontiers d'une personnalité, ou on parlera de façon plus spécifique de symptômes, mais on n'évoque jamais quelque chose qui est de l'ordre du caractère. Et au fond, dans Une femme sous influence, c'est la rencontre d'un caractère, celui du mari, avec la rencontre d'un autre caractère, fut-il sous l'emprise de la folie de sa femme. Et c'est cet excès qui fait le film. Il est rare que le cinéma montre, au fond, les retombées de la folie dans une famille. Le plus souvent, c'est la fiction qui prend en compte l'élément de folie, par exemple Psychose de Hitchcock. Mais il est rare que, disons, l'excès soit filmé au fond dans la famille elle-même et que les différentes composantes de cette famille aient à en souffrir et que le film n'est jamais didactique. Le film ne dit jamais ce qu'il faudrait faire. Mais qu'est-ce qui cause sa folie ? Le film ne le dit pas. Le film ne le dit pas. La folie est prise ici comme dimension d'existence, mais point de cause. Il y a, chez Cassavetes, le souci de montrer à quel point, dès lors que la folie gagne un membre d'une famille, quelque chose de l'adversité par rapport aux autres va être au premier plan. C'est vrai qu'on pense à la difficulté que lui, Cassavetes, a eue avec les grands majors hollywoodiens et où il pouvait se considérer totalement identifié à Une femme sous influence parce qu'il était le fou de la grande famille du cinéma américain de cette grande famille hollywoodienne, à laquelle il n'adhérait pas. Donc le film, ça c'est une analogie, disons, de structure, mais le film, ce qu'il montre de la conséquence dans une famille de la folie, c'est la grande peine, le grand désarroi de cette adversité nouvelle qu'il va falloir assumer, et en particulier chez son mari. Est-ce qu'il y a des plans dont vous vous souvenez dans ce film, de Jenna Rolland, femme folle? Non, je me souviens d'un plan du film à table, une scène où, revenant, il me semble, de l'hôpital ou de la clinique où elle s'est soignée, elle compose le menu et elle fait un plat, je crois que c'est, mais je le dis de mémoire, je ne suis pas du tout sûr, mais un poulet, et elle semble très attachée à ce que tout marche bien, à ce que j'allais dire aussi on la complimente, mais toute l'ambiguïté tient au fait de ce souci de bien faire et quelque chose d'insupportable à refaire. C'est-à-dire, ce qui est insupportable, c'est la répétition de ce que suppose une famille. Et ça, c'est insupportable, exécrable pour elle. Et en même temps, les autres attendent tellement que ça marche. Donc c'est pas un film dans le sens classique du terme, avec un début, une fin, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, c'est un moment de la vie de quelqu'un, oui. De la vie d'une femme dans une famille, donc de la vie d'une famille. Oui. Et c'est un peu ce qui compose le cinéma de Cazavette. Oui, on pense beaucoup à ce merveilleux titre et ce merveilleux livre de Barthes, Fragments du discours amoureux. Chez Cazavette, c'est des fragments du discours, on n'ose pas dire familial, parce que ce serait limiter son cinéma, mais c'est sûrement des fragments du discours d'une vie, avec ce qu'elle suppose comme lien de filiation, d'ascendant, descendant et de collatéraux dans le temps présent. J'aime Cassavetes parce que lui, il me ressemble. Mon nom, c'est Fedon Papa Michel. J'ai travaillé dans le film comme un décorateur. Je suis un cousin de lui. Il n'est pas né en Grèce, il est né à New York. Mais son père, sa mère est grecque. Alors, il est grec, oui. Il aime travailler avec la famille. Peut-être qu'il se sent mieux d'être avec des amis, avec la famille. Et c'était fait que sa famille sont tous un petit peu artistes. Une femme sous influence est aussi un portrait de la classe ouvrière américaine. Une chose qui me frappe, par exemple, John Cassavetes, vous êtes l'un des rares cinéastes américains à parler des ouvriers américains. On ne les voit pas beaucoup dans le cinéma américain. Pourquoi cet intérêt ? Well, I think it's a stubborn streak anyway. Even the working class in America will not go see anything about the working class because they feel what could they see in the working class. C'est vrai que la classe ouvrière, c'est la chose la moins discutée en Amérique par rapport au cinéma. Je crois que c'est parce que d'abord la classe ouvrière elle-même n'irait pas voir des films sur elle. Deuxièmement, c'est parce que les gens qui ont quitté la classe ouvrière ont peur de revenir et donc sont pas intéressés par ce sujet. Et puis deuxièmement, moi je trouvais comme autant que en tant que cinéaste, c'est mon devoir de traiter des sujets bon qui concernent tout le monde, que je pensais que c'est l'émotion qui quand même lie tout le peuple, tous les gens, et c'est que ce sont ces problèmes, parce que qu'on soit bourgeois, qu'on soit ouvrière, on a les familles, on a des belles-mères, on a. Et c'est aussi le problème de l'amour, le problème de deux personnes qui s'aiment et qui veulent continuer à s'aimer. C'est un problème qui touche toutes les classes. Well, I mean, I think most people think I'm of the left in America, and probably you know the people of the left probably think I'm of the right, and the people of the left. I don't care what anyone thinks. I'm a Finalement, je m'en fous de la politique parce que finalement, que la gauche pense que je suis de droite ou la droite pense que je suis de gauche, c'est pas ça qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas, dans l'abstrait, penser que quelqu'un va généreusement donner quelque chose qui leur appartient. C'est pas ça son intérêt. Le problème, c'est s'il y a quelqu'un qui est en chômage et qui a des problèmes. Bon, le problème, c'est que lui, il veut avoir une certaine sécurité. S'il devient gauchiste, s'il devient de droite, ce qui est important, c'est qu'il va choisir ce qui rassure sur son problème-là. Et donc, moi, je trouve que le problème, c'est qu'on vit dans un monde. On n'est pas que la façon de résoudre les problèmes, c'est qu'il faut s'aimer, il faut qu'on se rende compte qu'on appartient à une race humaine. Et c'est ça le problème et c'est ça le danger. The understanding that they are people and that as that we're all part of a human race that must either love each other or we face what this is, the end of the world, and there must be some kind of spiritual form. Il est très fort dans son travail, mais sincère. Et si on le comprend, on l'aime. Gina Rowlands, je trouve que ce qu'elle fait dans le film est absolument remarquable, et ça a dû être très très difficile pour une comédienne de faire ça. Enfin, je crois, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. I think that yes, it is difficult to do it, and it's difficult for her to do it. She's a very, extremely sensitive, oui, c'était aware difficile. Mais je crois que Jenna, c'est une femme d'abord qui est tellement équilibrée parce que c'est aussi quelqu'un qui a 3 enfants, qui s'en occupe de sa famille, qui est comédienne. Mais je crois autant que comédienne, c'est elle a fait appel dans ce film à sa propre sensibilité, sa propre façon de son propre regard sur les autres. Et par exemple, dans la scène où, enfin, dans la grande scène où son mari est appelé le médecin, etc., elle lui dit, au lieu de se mettre en colère, elle dit, écoute, tu étais bête, moi aussi, ça m'arrive aussi souvent d'être bête. C'est pas grave, on s'aime, ce qui est important, c'est que je t'appartiens, que tu m'appartiens. Et elle essaie vraiment de réagir, pas par rapport à ce qu'une femme un peu plus banale ou une comédienne ou une réaction moins profonde qui pourrait être, c'est de se mettre en colère, mais elle essaie vraiment de comprendre sa situation à lui, d'essayer d'agir sur la base de ça. Et puis, au fait, c'est ce qu'elle fait comme comédienne dans cette scène est très, pour moi, c'est très remarquable. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres comédiennes qui auraient pu faire ça. C'est aussi une femme qui est tout son interprétation de ce rôle, qui au fin, elle est déçue par son mari, mais elle n'est jamais en colère contre lui parce qu'elle le comprend. Elle connaît ses faiblesses, elle comprend pourquoi il a fait ce qu'il a fait, mais elle est quand même déçue par ce qu'il a fait. I feel that I like her gestures. They're much more, I mean, I understand her better. I know what she's thinking. Moi, j'aime ses grimaces. Moi, j'aime cette femme. Moi, je la comprends mieux que d'autres femmes. Finalement, qu'est-ce que c'est la folie? Cette femme, elle est très émotionnelle. Elle exprime ses émotions. Elle est triste, elle est nerveuse. Elle est heureuse, elle est impatiente. Pour moi, dans cette société, la seule chose qui n'est pas considérée comme la folie, c'est le silence. Et pour moi, c'est ça la folie. La folie, c'est pas d'exprimer les émotions, qu'ils soient tristes ou heureux ou nerveux. C'est la folie, c'est de pas d'exprimer. Et moi, j'aime les gens qui expriment. Moi, j'aime les gens un peu cinglés. Parce que moi, je trouve que la révolution, c'est la vie, c'est la révolution. La révolution, c'est pas un acte politique, c'est chaque personnage qui s'exprime. Et j'aime bien les gens qui expriment quelque chose à moi qui n'est pas justement conforme à ce que a exprimé chaque personne qui précédait. Maman, Paul's on the telephone. Tell him we're right in the middle of a party. Okay, I'll tell him you don't want to talk to him. Je pense que c'est la femme qui peut changer elle-même. Moi, je m'en fous finalement si vous êtes féministe, si vous êtes traditionnaliste, ce que vous êtes. Moi, c'est pas à moi de vous donner la choix ce que vous allez être. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je trouve les femmes sans plus intéressantes qui ont commencé à changer. Je crois que c'est bien, mais c'est aussi, ce sont des changements très très lents et qui passent par plusieurs stades. Par exemple, on peut peut-être, mais en ce moment, les femmes peuvent détester les hommes, plus tard elles peuvent aimer les hommes, elles peuvent par exemple trouver que c'est bien de faire la cuisine ou que c'est bien de se maquiller. Tout ça, on peut passer, ça prend très longtemps. Il y a beaucoup des évolutions et même des contradictions qui passent par rapport à ça. Mais ce qui est bien, c'est que la femme commence à changer et que surtout qu'elle commence à prendre une identité par rapport à elle-même et pas par rapport à un homme. Je crois que c'est un peu comme... vous savez que les Américains étaient très, très anti-russes, anti-communistes. Alors, il suffisait qu'un Américain entendait qu'un communiste buvait de lait et tout d'un coup, un Américain pouvait absolument arrêter de boire de lait. C'est cette individualité que j'aime. The way, not only the way that they look and touch. Meurtre d'un bookmaker chinois, 1976. Alors si on revient au meurtre d'un bookmaker chinois, le personnage principal donc, qui s'appelle Cosmo Vitelli et qui tient une boîte de striptease, si on le compare à... au personnage de la femme sous influence, c'est quelqu'un de beaucoup plus serein, entre guillemets, de beaucoup plus apaisé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Oui, j'aime beaucoup votre question parce que c'est vrai que dans ce film, quelque chose comme un leitmotiv du bien-être, d'être bien dans sa peau, revient. Cosmo Vitelli dit à plusieurs reprises qu'il faut être bien dans sa peau. Mais chez lui, et je suis d'ailleurs assez surpris de trouver chez Cassavetes quelque chose qui n'est pas du tout, mais absolument pas, une référence à toutes ces idéologies du corps, du bien-être, bien dans sa peau supposerait être bien dans son corps. Pas du tout. C'est quelque chose qui suppose un travail intérieur, une sorte d'intimité, au fond, pourquoi pas, harmonieuse, entre soi et les autres. Soit son travail, soit ses amours, soit le monde environnant. Et vraiment, ce travail, il semble que Cassavetes le prenne au sérieux, parce que nécessairement, ce n'est plus la peau, le corps, qui travaille pour un bien-être, j'allais dire, un peu idéologique, mais c'est le sujet, en tant qu'il se parle à lui-même, en tant qu'il, au fond, il s'analyse, arrive à ce confort. Je pensais que dans une femme sous influence, c'était le conflit d'un être avec lui-même. Et dans le meurtre d'un bookmaker chinois, c'est quelqu'un qui a plus ou moins réglé ses conflits avec lui-même, mais qui à ce moment-là devient beaucoup plus vulnérable par rapport au monde extérieur. Donc ce type qui a l'air si au fait de tas de choses, qui a l'air de mener sa barque, il se fait avoir... complètement, il évite pas l'essentiel, quoi. Il apparaît comme une espèce de grand naïf. De grand naïf, oui. Et en même temps, la sanction qui est la sienne et qu'il n'a pas prévue semble être une sanction logique. Au fond, Cosmo Vitelli est un joueur. Il a joué et il a perdu. Il a perdu une somme, $20,000. Et J'ai été à la deuxième vision du film, parce que je l'avais vu une première fois, mais la deuxième fois, ça a été assez frappant de constater comment Cassavetes avait traité la perte de cette somme importante. Et le héros paraît dans une sorte d'étrangeté par rapport à ce qui lui arrive, une sorte de... Quand je dis étrangeté, c'est que lui-même se distancie de ce qui lui arrive, comme si quelque chose ne pouvait pas coller entre lui perdant et lui-même. Et au fond, comme si cette perte était un excès, que malgré tous ses efforts pour coller à lui-même, il en avait, j'allais dire, la nécessité. Et cette perte le conduit à un banco, car au fond, ça n'est ni un tueur, ni quelqu'un mêlé à la mafia, mais il va devenir tueur parce qu'il est joueur et qu'il va essayer de combler sa dette en croyant que, au fond, effectivement, naïvement, les vauriens qui l'entourent vont accepter son geste héroïque comme un geste entrant dans sa propre cosmogonie imaginaire. C'est-à-dire que lui, probablement parce qu'il est joueur, défaille à ce niveau. Son talon d'Achille, c'est l'absence de contrôle de cet imaginaire-là. Pay your debt by check. Well, I don't usually carry that kind of money in my bank. All the money I make, I put back into the business. And it's paying off handsomely. Now look, I intend to pay. I'm not one of those guys who consider a gambling debt just a piece of paper. I'm sorry for the formality, but I'm going to have to ask you to sign a couple of forms. Vous dites collé à lui-même. Est-ce que c'est collé à lui-même ou collé à ce qui lui arrive? Ah, je crois que c'est collé à lui-même. Je crois que c'est vraiment collé à lui-même, c'est-à-dire que il le dit, il paye ses dettes. C'est quelqu'un qui, enfin, n'est pas prêt du tout à une entourloupe. Il a accepté ce qu'il est, et en cela, il est en effet dans une sorte de confort par rapport à lui-même. Il a accepté de perdre ses 23 000 dollars. On lui propose d'annuler sa dette ou une partie de sa dette par le meurtre d'un bookmaker chinois. Il accepte toujours dans l'esprit qui l'anime, qui est un esprit de joueur. Hein? Oui, mais il apparaît là comme un pigeon, d'emblée, tout de suite, à l'image, enfin, pour nous qui le regardons, par rapport à ceux qui lui demandent ça. Je ne trouve pas, vraiment je ne trouve pas. Je crois qu'il poursuit une sorte de solitude et de route intérieure dont il est seul détenteur des clés. De héros solitaire. Oui, parfaitement, de héros solitaire. Et disons que tout le film... Bon, se compose, c'est ça, d'une trame policière avec ce meurtre, qui est au fond l'autre scène. Il y a, au fond, trois scènes. Celle à laquelle nous assistons, qui est au fond l'ensemble construit de la fiction de Cassavetes. Celle qui est la scène du théâtre populaire dont il est le directeur, Cosmo Vitelli. Et quelque chose comme l'autre scène, qui est cette fiction policière dans laquelle il est entraîné. C'est-à-dire qu'au fond, ça fonctionne sur plusieurs coulisses, et ce qu'il est amené à vivre avec la mafia, c'est au fond la coulisse de son propre théâtre. Alors ce qui est donc intéressant, c'est que Cosmo Vitelli, le héros, est le directeur d'un tel théâtre, et que ce qui se passe là sur scène n'a jamais... je veux dire, aucune confusion avec ce qui se passe ailleurs, enfin l'autre scène, qui est l'engrenage dans lequel il est pris. Mais encore une fois, c'est une intrigue hors du théâtre, et c'est plutôt le théâtre qui représente son propre cinéma. C'est-à-dire quelque chose qui, au fond, est une improvisation au sens fort du terme, comme un saxophoniste improviserait. Ou... Oui, je crois vraiment ça. Je crois que c'est une improvisation... qui se noue à ce qu'il sent. Et donc le noble héros solitaire se retrouve confronté. Il se retrouve confronté à son banco. C'est un joueur. Il a perdu une somme et il va perdre encore plus gros puisqu'il va jouer sa vie dans cet assassinat. Qu'il croit être le juste marché de sa perte. Mais ce que dit le film, c'est que la perte est incomblable. C'est qu'il ira toujours à cette perte tant que c'est cette jouissance, au fond, qui l'anime. Et pas de conclusion. On ne sait pas s'il est pris par la police, s'il va à l'hôpital, s'il s'en sort ou pas. Pourquoi aime-t-on tellement ce film ? Parce que je crois qu'on se prend beaucoup à ce vertige. On se prend beaucoup à cette sympathie que dégage Ben Gazzara. C'est vrai que c'est un acteur assez exceptionnel et qui, lui, vraiment colle au personnage. Et qu'on aime cette, euh, ce discours, je dirais, qui sort de l'écran et qui vient s'adresser directement au spectateur, et qui est ce que l'on sait chacun de nous, chacun à son niveau, de sa propre culpabilité, de ses propres dettes vis-à-vis de soi-même, de ses erreurs. Et tout ça vient très fortement vous impressionner. Je crois que c'est pour ça qu'on l'aime. C'est bien au-delà de la fiction qui se joue à l'écran. Je crois que Cassavetes réussit ce tour de force, ce génie, enfin, de ne pas se contenter de la fiction cinématographique, mais d'aller au-delà, de vous parler. Et jamais de façon triviale. C'est de nous parler parce qu'il y a un discours universel, commun à tout le monde, de la solitude, de la paternité, de l'insatisfaction d'aimer, de la difficulté, comme dans Gloria, d'être mère et femme, etc. Ça, c'est un discours universel, et ce sont au fond des archétypes que nous ressentons tous, et qui, lorsqu'ils nous sont livrés, c'est ça, je dirais, non pas subrepticement, mais avec beaucoup de finesse, c'est-à-dire au-delà de la fiction elle-même, et au-delà du scénario lui-même, nous touche encore plus. Parce que lorsque c'est justement pris dans la fiction, on ne peut pas s'identifier. Il y a toujours quelque chose qui vous arrête et qui vous dit « Ah, mais c'est du cinéma ». Tandis qu'avec Cassavetes, il y a le cinéma, la fiction proprement dite, et un discours qui est au-delà et qui touche ses archétypes fondamentaux de façon vraiment assez rare. Une interview de Ben Gazzara, qui joue le personnage de Cosmo Vitelli dans Le meurtre d'un bookmaker chinois, par Laurence Gavron et Claude Ventura pour le magazine Cinéma Cinéma, en septembre 84. Well, I always lived in New York. I was born in New York. It's my favorite city. I've lived in Hollywood, but not very happily. I don't like it very much. There is no city. There's no center. Not cosmopolitan. J'ai toujours vécu à New York. J'y suis né. C'est ma ville. J'ai vécu à Hollywood, mais je n'étais pas très heureux. Ce n'est pas assez cosmopolite, pas assez excitant. Je suis en dehors du système. Je préfère travailler avec Cassavetes ou Bogdanovich. Mais leurs films sont moins bien reçus aux USA. Ils ne sont pas pour le grand public. L'intéressant, c'est que les Européens réagissent mieux aux films de Cassavetes et Bogdanovich que le public américain. Franchement, je préfère les films où les héros ne gagnent pas forcément la guerre. Des hommes existentiels. On aime ça en Europe. Parce qu'on en est plus proche. Comment avez-vous commencé à travailler avec Cassavetes? On se connaissait juste de vue. On ne s'est lié qu'au moment de Husbands. Je travaillais à Universal et lui aussi. Il a dit, on va faire un film ensemble, et un an après, on l'a fait. Il y a comme un lien magique dans ce film entre vous, John et Peter Falk. Comment étaient vos rapports de travail? Au début, on se méfiait les uns des autres, mais peu à peu, on est devenus amis et on l'est resté. J'ai très peu d'amis acteurs. John et Peter sont les seuls. Vous avez encore tourné avec John? Oui, deux films. Et on en fera un autre bientôt. Parlez-moi du travail avec John. Il est très différent des autres. Oui, il ne s'intéresse pas à la structure, comme les autres réalisateurs, ni à la précision. Ce qui l'intéresse, c'est le comportement, c'est l'inattendu, ce qui arrive au-delà du schéma trop bien léché, trop planifié, des films qu'on aime tant aux États-Unis, avec un début, un milieu et une fin, et le triomphe du héros. Ça m'ennuie. Dans ce domaine, le soundtrack de Bogdanovich et le bookmaker de Cassavetes sont différents. Oui, il y a un monde entre les deux. Leur seule similitude apparente, c'est de refuser le cliché du héros américain comme John Wayne. Ces films ont tous deux des défauts et tous les deux des beautés. La beauté, il faut faire un effort pour la découvrir et pour la comprendre. Elle n'est pas inscrite comme dans tant de films. Le spectateur est amené par le réalisateur et le scénariste à penser ce qu'on veut qu'il pense, à encourager le héros, à crier bravo, tu es épatant. Ces personnages m'ennuient, et ce genre de film m'ennuie. Qu'attendez-vous d'abord d'un metteur en scène, d'un scénario, d'un rôle ? Ce que j'attends, ou plutôt ce que j'aime, c'est qu'il crée un environnement où je me sente bien, où je me sente créatif. Certains n'y arrivent pas. Ils s'énervent, ils ne pensent qu'à la place de la caméra. Mets la caméra ici, mets-la là. Vous voulez essayer un truc ? Non, je veux la caméra ici, où le plan sera fichu. Ça me donne envie de rentrer chez moi. Quand j'ai un réalisateur aussi borné, aussi rigide, qui ne pense qu'à ce truc, ça arrive souvent, la caméra doit servir l'acteur, c'est lui qui raconte l'histoire et non l'auteur, qui se trouve si génial, qui sait tout, qui tient à son histoire. Ça me rase. En arrivant au studio le matin, vous aimez répéter, discuter avec le réalisateur, me réveiller sur le plateau, boire un café, je ne rêve que de ça. Je ne commence à vivre qu'à 2h de l'après-midi. C'est le cinéma. On se dit parfois que c'est vrai. C'est ça que j'aime chez Cazavetes. Mais c'est du celluloïde. On le fait car on est un pro, mais on râle. Vous m'aviez raconté que vous aviez été aux États-Unis pour rencontrer John Cazavetes, parce que vous aviez vu des films de lui, c'était en quelle année ? C'était en 77. Alors j'avais vu des films de lui, oui, depuis pas mal de temps, j'aimais beaucoup le cinéma et j'aimais beaucoup ses films en particulier, qui, je sais pas, qui me touchaient beaucoup, enfin pour plein de raisons, dont, sur lesquelles on reviendra sans doute. Et en même temps, je faisais vaguement, enfin je suivais les cours de Jean Rousse à l'université de Nanterre, et je pensais faire préparer un doctorat. Et pour ce doctorat, il faut un travail pratique, c'est-à-dire en l'occurrence un film, un travail écrit, etc. Et je voulais faire ça sur Cazavetes. Donc je lui ai écrit une lettre. Laurence Gavron. Certes, je ne me souviens plus exactement le contenu de cette lettre, mais elle devait être très, comment dire, très enthousiaste et très... Enfin, j'étais jeune. Vous savez, on a une énergie comme ça quand on est jeune. Et j'ai eu de la chance qu'il me réponde, enfin, ou qu'il me fasse répondre par sa secrétaire, mais quand même. Et donc, je suis accourue à Los Angeles le voir. Il se souvenait, à vrai dire, pas vraiment de cette lettre, je crois, ni de ma venue. Mais enfin, bon, il a été très, très sympa. Il m'a dit, oh non, pas un film sur moi. Je veux pas qu'on... Il aime pas du tout qu'on l'interviewe, ni qu'on le filme, ni rien. Je croyais que vous veniez pour une interview. Je dis, bon, ben d'accord, ça sera mieux que rien. Donc, j'ai fait une interview. Et qui est parue dans Positif, ensuite. Et puis, je suis restée, j'ai traîné, on est devenus un peu copains. Et je suis restée là-bas à peu près un mois et demi. À travailler, enfin, bénévolement, à aider. À cette époque-là, il préparait un film ? Non, il faisait la post-production, le montage et la musique de Opening Night, qui est un film qu'il avait donc tourné, je pense, en 76-77, qui n'est jamais sorti à Paris, ce qui est scandaleux entre nous, parce qu'il a été au moins vendu à la télé dans des tas d'autres pays, donc je pense que ce n'est pas si cher que ça. Je sais qu'il veut toujours beaucoup d'argent pour ses films, parce qu'en général, il hypothèque sa maison pour en faire des films. Enfin, c'est... Mais... Enfin, ce film n'est jamais sorti en France, donc c'était le film qu'il a fait avant... Enfin bon, en 77, je ne sais plus. Oui, avant Gloria. Ce film, il est très très beau. Ça se passe dans un milieu de théâtre. C'est avec Ben Gazzara, Gina Rowlands et Cazavetes lui-même. Gina Rowlands qui fait l'actrice, Ben Gazzara l'acteur, si je me trompe, et Cazavetes, le metteur en scène de cette pièce de théâtre. Et c'est les rapports à la fois dans le théâtre et dans la vie, rapports très assez névrotiques comme d'habitude et assez passionnels de ces trois personnes entre eux. Et c'est, comment dire, c'est très beau, c'est comme ces autres films, un peu hystériques, très très près des personnages, comme ça, très très émouvant, très très vrai, si ça veut dire quelque chose. Enfin, c'est un peu abstrait comme ça d'en parler comme ça, parce que j'ai pas eu depuis longtemps. Mais c'est vraiment très beau. Il y a une violence aussi, comme ça, des sentiments, des actes, qui est formidable. Enfin, moi, j'aime tous ces films, et c'est un de ceux que j'aime beaucoup, vraiment. Il y a une chose, je crois que, bon, c'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un de très très attachant. Je crois que ça se voit dans ses films. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est rare que des gens comme ça soient antipathiques après. Enfin, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a d'abord un physique, comme ça, une présence absolument formidable. Et c'est vrai dans la vie, c'est vrai dans ses films. Enfin, il est beau, il est chaleureux, il a beaucoup de charme. Bon, moi, j'ai pleuré quand je suis partie. Enfin, j'étais amoureuse de lui, je crois, j'étais tout ce qu'on veut. Et il est, avec les gens avec qui il travaille, très... Comme on peut imaginer, il est un peu méditerranéen, il est d'origine grecque. Très, comme ça, volubile, sympathique, chaleureux, pas star du tout. Très travailleur aussi, il travaille beaucoup. Je sais que je m'étonnais, je lui disais toujours, qu'est-ce que tu fais à Los Angeles? C'est quelqu'un qui est tellement new-yorkais, enfin, surtout que c'était à une époque où je trouvais Los Angeles absolument immonde et affreux de vivre dans cette ville où il ne se passait rien. Il me disait, oui, mais si j'étais à New York, je serais toutes les nuits dehors avec des amis en train de boire et de jouer. C'est quelqu'un comme ça, je crois, pour qui l'amitié compte beaucoup, pour qui les virer entre amis, les choses comme ça. Ils s'entourent de la même famille d'acteurs, plus ou moins, qui s'entourent peut-être de la même équipe de monteurs, c'est pratiquement une famille, quoi. Ah oui, beaucoup, puis je crois qu'il est très... il tient beaucoup à cette histoire de clan, comme ça, de famille, aussi bien pour les acteurs, pour les petits rôles. Il fait toujours jouer, effectivement, ses parents, les parents de sa femme, le frère de sa femme dans ses films. Les techniciens aussi, jusqu'à... Quand c'est possible, je sais qu'il prend les mêmes techniciens, les mêmes producteurs, etc. Et puis ça sent, ses films sont vraiment basés là-dessus. Si, même je crois le fait qu'avec Peter Falk et Ben Gazzara, il y a un Italien, un Juif et un Grec, ils en parlent. Enfin, ils prennent ça vraiment comme une blague, comme ça, comme... Mais lui, comment dire, je sais pas, c'est un peu des généralités, mais effectivement, je sais pas, son tempérament méditerranéen, et puis quelqu'un de très bon, vraiment, de très très... on pense... Je sais pas, souvent les gens de grands grands talents, on leur permet d'être égoïstes, d'être un peu... d'avoir des défauts comme ça, parce qu'on se dit, au moins, ils ont leur talent, ils ont leur œuvre à faire. Et lui, c'est pas de tout ça. Enfin, je veux dire, il est très humain, très ouvert, oui. C'est un cinéma, c'est ça, c'est un cinéma du présent. Ce qui est intéressant, c'est de filmer au moment où il y a quelque chose qui se passe. Mais ce quelque chose qui se passe, il faut le faire arriver devant l'écran. Comment il fait alors, lui? Il travaille avec ses comédiens. D'ailleurs, lorsqu'on regarde ses films, lorsqu'on regarde, Ben Gazzara, par exemple, dans le bookmaker chinois, on s'aperçoit que ses comédiens souvent jouent comme lui. C'est-à-dire, on a ça chez Renoir aussi, hein, dans certains films, on a l'impression, même si c'est un grand maigre qui joue le rôle, on voit comment Renoir le dirigeait, lui montrait comment faire ses gestes. Et on a l'impression souvent de voir derrière le personnage, de voir Renoir. Bon, mais dans le cas de John et de Ben Gazzara, par exemple, c'est fou. Le petit sourire, comme ça, l'aspect un peu décalé par rapport à la réalité, où les mots sortent. On a l'impression qu'il faut à la fois vivre le moment présent, mais en même temps, être un tout petit peu à côté, parce que sinon, on ne le vit pas vraiment non plus. C'est une position intenable. Et je crois que c'est ça son cinéma. Au moment où ça fonctionne très bien, c'est au moment où on sent qu'il a filmé quelque chose, des gens qui sont dans des positions, et dans des moments très courts, qui ne peuvent pas exister, qui sont intenables, vraiment, qui arrivent comme miraculeusement, comme par hasard. Si on se met sur un point de vue de la caméra, c'est-à-dire, moi j'ai été caméraman, reporter caméraman, documentariste, comme vous l'avez dit, et directeur de la photographie. On peut essayer d'avoir une approche sur John Cassavetes dans un sens d'abord de l'acteur, et ensuite du metteur en scène. Pourquoi ? Parce que John Cassavetes mélange deux techniques. Celle de, disons, d'une technique hollywoodienne et celle d'une technique d'improvisation. C'est-à-dire que son rapport à la caméra et à l'image passe par le fait même qu'il était acteur et acteur hollywoodien avec les rigueurs de l'acteur hollywoodien et de la connaissance de la technique qu'un acteur hollywoodien doit avoir par rapport à l'image, à savoir la précision de, dans l'espace, c'est-à-dire la place, la précision par rapport à la lumière, la précision par rapport à la technique en général, et tout en faisant passer à travers toute cette précision et ce qu'on appelait l'acteur studio, en faisant passer de l'émotion. Alors, moi je vais prendre comme référence Les 12 salopards d'Aldrich, parce que c'est, pour moi c'est un film catégoriquement hollywoodien, avec tous les défauts et les qualités d'un film hollywoodien, à l'intérieur d'une structure très rigoureuse, dans laquelle il y a 12 acteurs de grand niveau, dont Lee Marvin, etc. Et chacun, à l'intérieur de ce cadre précis, doit faire passer, par rapport à son rôle, à son personnage, toute une dimension qui est dans ce film, une dimension qui est même poétique. Donc Cassavetes a dû subir cette école, dans tous les sens du terme, avec la rigueur, avec le côté dur et mais pesant pour un acteur, parce que ça impose d'avoir à l'intérieur de soi-même beaucoup de choses à communiquer après être passé dans un moule hollywoodien. Et quand on parle donc de John Cassavetes comme metteur en scène, on peut pas oublier ça. Donc j'insiste sur le premier point parce que pour moi, il est fondamental pour parler de John Cassavetes comme metteur en scène. Alors, ce qui est intéressant maintenant par rapport à sa démarche de la mise en scène, c'est que, compte tenu de tout ça, il a essayé, quand il est arrivé dans la mise en scène, d'avoir une approche vers l'improvisation. Alors, pour avoir cette approche vers l'improvisation, Cassavetes est obligé d'avoir démystifié la technique, démystifié la caméra. Et c'est ça qui est essentiel à comprendre, à mon sens. C'est que pour arriver à être directeur d'acteur et directeur d'un film, il faut avoir, dans le sens où Cassavetes va, c'est-à-dire dans un sens d'improvisation, il faut avoir une souplesse et en même temps une rigueur. Alors moi je dis que les films de Cassavetes, d'une façon générale, sont ce mélange de souplesse et de rigueur qui font leur réussite et leur succès, du moins dans un certain domaine. Et le rapport qu'il a avec les gens d'image, puisque je suis quelqu'un de l'image, il dirige les gens d'image comme il dirige les acteurs, de la même façon. C'est-à-dire, il dirige la caméra comme il dirige les acteurs. C'est-à-dire que quelqu'un derrière la caméra est quelque part comme un acteur. Pourquoi ? Parce que il a besoin de sentir une pulsion au niveau du metteur en scène, une pulsion qui dépasse la technique. Un grand acteur a sa technique. Pour être dirigé, il faut que le metteur en scène sache l'amener où il veut l'amener. Et moi, j'ai ressenti énormément ça derrière la caméra. J'ai beaucoup apprécié et en même temps ressenti les acteurs dans leur désarroi et en même temps dans leur recherche. Dans tout ce qui est, dans tous les à côté qui se passent entre les scènes, dans les prises, dans le nombre de prises, dans ce rapport à l'image, quoi, d'une façon générale, c'est-à-dire à sa propre image pour les acteurs, et à véhiculer dans sa propre image des sentiments, des émotions, etc. Et pour la caméra, la chose est un peu à l'inverse de l'autre côté, puisque c'est l'autre côté du miroir, puisque c'est le réceptacle de l'image. Dans le même sens. Donc, si j'arrive à parler aujourd'hui de Cassavetes, que je connais très mal, je veux dire, sur un plan cinéphilie, je ne suis pas un spécialiste du tout de Cassavetes, c'est que j'ai ressenti dans ces films cette impression que j'ai là. Ce que je veux dire en clair, c'est que ça soit une école ou l'autre, celle de Hollywood, c'est-à-dire de cette rigueur dont j'ai parlé, et celle du documentaire, qui est une autre rigueur, c'est une autre façon d'approcher la rigueur. C'est-à-dire l'improvisation est en tout état de cause une rigueur. C'est ce que je veux dire. Donc effectivement, c'est pas de poser d'un côté et puis de laisser aller de l'autre, c'est de structurer le mélange. Donc si on prend un exemple concret, si mes souvenirs sont justes, je crois que on a une scène dans Gloria là où l'actrice court sur un quai de gare, si mes souvenirs sont exacts, Et alors, le premier plan est filmé d'une façon à peu près classique du cinéma américain contemporain. Je parle du cinéma hollywoodien, je parle du cinéma contemporain. Et avec une lumière en contre-jour bleu, etc. Comme pour être un film tout à fait classique. Mais tout d'un coup, on retrouve donc l'actrice, donc Gloria, en l'occurrence, le personnage de Gloria, dans ce train, ou dans ce métro, je ne m'en rappelle plus d'ailleurs, mais filmé d'une façon tout à fait documentaire. Donc c'est ce passage des deux techniques, dans un sens dramatique, dans un moment précis. C'est ce mélange des deux techniques qui sont le détonateur. Plan 146, la caméra est au sol, en plan serré sur John. It's all gonna be tight. All the dialogue is in his arms. Yeah. Okay. No good. That was the long shot. Now we're gonna go tight. Okay. Here he is. Jenna, when did you see him bracing? So happy. Okay. Right here like that. Right? Yeah. And Jenna, you say all the lines to him, kiss him all over the face and that thing. Tournage de Love Streams par l'équipe de Cinéma Cinéma. En 1983. Okay. That's right. That's right. And wait for him to go on up to the... No, you're going right to the door. And you're off camera, it's on John now. And he gets into the car, right? Right? That's it. J'aime beaucoup Love Streams. And you back it up and just back out. Non pas parce que c'est le dernier que j'ai vu, mais c'est un film que je trouve très, très riche. Et qui dit beaucoup de choses au-delà de la fiction elle-même. Il y a plusieurs lectures possibles, c'est ça, du film, si on s'y intéresse. C'est d'abord un frère et une sœur. Donc, liés par cette complicité, je dois dire, au fond, assez rare, parce que les relations entre un frère et une sœur sont bien plus généralement marqués soit par la rivalité, soit peut-être par une sorte de non-dit, d'indifférence, non formulée en tout cas. Alors qu'ici, on trouve une sorte de complicité parce que lui et elle semblent avoir des trajectoires qui se rejoignent, en tout cas qu'ils semblent communes sur un certain nombre de points, et en particulier la difficulté de fonder une famille. Alors, courant d'amour, bon, le courant qui ne passe pas tout le temps, parce que je crois qu'une des questions que pose la sœur, c'est est-ce que l'amour n'est pas un courant continu ? Or, en fait, ce qui apparaît, ce sont des moments d'amour. Oui, des moments d'amour, et puis que l'amour, au fond, est déplaçable. Le grand enseignement de ce film, c'est l'apparition des animaux. Et pourquoi ne pas déplacer cet amour impossible, puisque toujours insatisfait, envers des animaux, hein. Comme si, au fond, l'objet était interchangeable. L'objet, c'est vrai, est interchangeable en ce qui concerne les flux. Il n'est pas choisi par hasard, mais le flux peut se déplacer. Est-ce qu'on peut raconter le scénario d'un film comme Love Streams? Est-ce qu'on peut dire que ça raconte une histoire? Est-ce que ça commence par A et ça va jusqu'à Z? Est-ce que c'est pas justement une construction un peu fragmentée qui fait qu'il est difficile de dire que ça raconte une histoire précise? Tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas d'histoire précise. La seule histoire qu'on puisse y lire, c'est l'histoire d'une insatisfaction et d'une façon de se brûler, de se consumer. C'est-à-dire que chez elle, Gina Rowlands, la difficulté à, bon, on dira, s'assumer comme mère, accepter la cellule, le terme veut bien dire ce qu'il évoque, au fond quelque chose de fermé, quelque chose de l'ordre de l'acceptation, du renoncement même. Et ce film, c'est quelque chose qui ne veut pas abdiquer, qui ne veut pas renoncer. Entendez par là, en tout cas ce que j'en comprends, c'est qu'il s'agit d'un renoncement qui touche l'ensemble de l'être, c'est-à-dire que c'est un renoncement intérieur, quelque chose qu'il faut accepter peu ou prou pour qu'une famille fonctionne. de la même façon chez lui. Mais ça parle pas que de la famille. Ça parle de la conjugalité, ça parle de ce tiraillement, cette opposition à être homme désirant et père, ou femme désirante, désirée et mère. Ça parle au fond essentiellement de ça. Et ce qui est frappant chez Cassavetes, c'est qu'on retrouve d'ailleurs dans une phrase expressément formulée comme ça, dans le film du meurtre d'un bookmaker chinois, il fait dire à son personnage principal qu'au fond, le sexe, c'est peu de choses. Et c'est vrai que dans toute son œuvre, il y a quelque chose de l'au-delà de la séduction, au-delà d'une relation amoureuse immédiate. Je ne crois pas, en tout cas dans les films que j'ai eu l'occasion de voir, que Cassavetes se soit jamais intéressé à un état amoureux. Pour lui, c'est quelque chose qui a pu exister dans la vie de des personnages de ses films, mais jamais autant présent. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnages qui défilent dans ces films semblent toujours, on peut dire charrier parce que le terme est fort, toute leur existence et toutes leurs amours, leurs déceptions passées, peut-être même les amours à venir et les échecs. Et donc, ce sont des personnages qui sont amplifiés, véritablement amplifiés, par une existence qui dépasse le cadre du scénario lui-même. Cassavetes dit d'ailleurs, quand on l'interroge, que ce qu'il recherche, c'est un travail de l'acteur au point où il se sent concerné. Et il refusera, au fond, de tourner tant que l'intimité de l'acteur n'aura pas été touchée dans sa personne même. Et c'est ce qui me paraît vraiment très, très intéressant et relativement unique dans l'histoire du cinéma. Peut-être en France, Piala, peut-être, fait quelque chose dans ce sens. Plan 147, cette fois la caméra est sur Gina Rowlands. So I go on in the house then, so I watch him leave, okay, and then you want to... No, don't watch him leave, just this and then go. And his tickets, and then I go, because you're going to go to them. Yeah. Enfin, non, là, je parlais précisément du dernier film, hein, de Love Streams, que moi, j'aime bien, enfin, qui m'a beaucoup touchée, parce que, justement, il me paraissait refléter absolument l'évolution d'Hollywood, c'est-à-dire qu'il reprend à la fois les grands mythes hollywoodiens, c'est-à-dire ce qui peut être à la fois ces maisons somptueuses, avec ces piscines, ces endroits extraordinaires, enfin, qui ont fait toute la légende d'Hollywood. Françoise Lebrun. Lui-même se met à ressembler à Bogart, enfin, il a un charme totalement d'acteur hollywoodien. Gina Rowlands était une actrice hollywoodienne qui a interrompu ce type de carrière pour participer au travail de Cassavetes, mais elle a effectivement quand même, elle peut garder cette stature typique. Et que tout ça a été filmé, en fait, comme un feuilleton télé. C'est-à-dire qu'en même temps, non seulement il a montré la décrépitude d'Hollywood sur l'effilochement des rapports entre les gens, ou sur l'usure apportée par l'alcool, la difficulté de création, etc. Et qu'en plus, il filme ça de façon complètement dallassienne, en fait. C'est-à-dire, effectivement, feuilleton télé. Et je trouve que c'est une des rares choses que j'ai vues qui montre aussi bien et aussi à plein la déchéance d'Hollywood. Oui, enfin, c'est comme si ces images avaient été absolument ravagées, défaites. Et néanmoins, alors ce qui est extraordinaire, c'est que néanmoins, elle garde un charme total. C'est-à-dire que moi, je le trouve d'une séduction folle dans ce film. Je la trouve, elle, très très belle. Enfin, malgré tous les ravages, enfin, malgré comme ça les typhons qui sont passés là-dessus, ou les maisons en carton-pâte d'Hollywood, tu sais, qui disparaissaient comme ça avec les coups de vent. Malgré tout ça, le charme est intact. Et c'est là où, quand même, je trouve que c'est très très réussi. Enfin, il y a un mystère qui est retrouvé, enfin. Alors bon, moi, que précisément ce qui m'avait choqué dans ce film, c'est à quel point, sous les dehors de ce que Françoise appelle une espèce d'inflation de la chose hollywoodienne, Claude Thiébaud, bon, me paraissait comme une reproduction complètement horrible de la société américaine aujourd'hui, complètement refaite par la représentation hollywoodienne qui avait précédé. et que cela, semblait-il, intéressait à un point très fort le film, enfin, et John Cassavetes, et que cela, moi, ne m'intéressait pas du tout. C'est une chose qui me gênait. Enfin, c'est ce qui me gênait. Cette référence. Oui, oui, absolument. C'est de voir des gens vivre complètement par procuration, reproduire tout à fait littéralement, avec quelque chose qui serait de l'ordre du regard plus intelligent, du regard fin, celui de l'auteur précisément, mais qui était d'une férocité terrible, au point de reconstituer l'univers de gens eux-mêmes reconstitués par la chose hollywoodienne. Et un effet de... Enfin, j'ai vu d'une certaine façon ce film comme un film tout à fait réaliste, socialiste. C'est la vision que j'ai eue de ça, du travail de Cassavetes, c'est ça. Réaliste socialiste. Bah, vous savez bien la critique que l'on faisait de la façon dont tout un courant de l'art en URSS visait à reproduire littéralement le monde du travail, le monde ouvrier, et au point de le défigurer à force de ne pas le transporter du tout, justement, sur le terrain des anges, enfin je pourrais dire sur le terrain de la création, sur le terrain de quelqu'un qui dit quelque chose. Et que là, ce film-là m'a fait penser à ça. C'est une vision peut-être un petit peu perverse du film, mais de l'univers qui est dans ce film, mais que ces gens étaient... les gens représentés étaient représentés dans la manipulation qui était la leur. Et que Cassavetes semblait prendre un plaisir, dont personnellement je ne participe pas, à cette représentation. Voilà, c'est ça qui m'a gêné beaucoup. Enfin, une espèce de connaissance, de reconnaissance très... Comment dire, très... Complaisante. Oui. Attends, je crois qu'il faut rappeler une chose. C'est une pièce de théâtre qui a été adaptée. Enfin, c'est quand même une chose, c'est une donnée qui est... ça a été mis en scène par Cassavetes. Je ne sais pas exactement si c'est sa part de choix par rapport à ça. Enfin, et cette pièce de théâtre avait eu, je crois, beaucoup de succès. Et c'est aussi une... je ne sais pas par hasard si on parle d'Hollywood et de la reproduction de ça. Enfin, c'était la reproduction au théâtre aussi de comportements hollywoodiens. Enfin, c'est l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire. Et ce que je trouve quand même assez fort, enfin, ou qui me touche en tout cas, je ne sais pas si c'est fort ou pas, mais ça me touche, c'est qu'ils l'incarnent complètement. C'est-à-dire que tous les deux l'incarnent absolument. C'est-à-dire que sur leur corps, sur leur visage, sur leur mouvement, sur leur façon de bouger un bras, etc., ça devient une chose presque comme s'ils étaient absolument nourris de ça. C'est-à-dire que j'ai pas ressenti ce qu'on appelle le travail du jeu. C'est-à-dire que quand ils jouent, ils le nomment en même temps. C'est-à-dire qu'ils le jouent, ils signalent qu'ils le jouent, et donc ils ne le jouent plus du tout. C'est ça que je trouve très très beau sur ces deux acteurs, que je trouve extraordinaire vraiment d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un travail extraordinaire de citation, de non sur la citation et du coup de vérité qui arrive. C'est un peu complexe, mais c'est un peu l'envers de ce que tu parles quand tu dis la reproduction. C'est-à-dire que moi, je trouve que la reproduction arrive à une vérité. Cassavetes fera tirer cette prise sans être complètement satisfait. Hein? Ok. That's a print. Quelque chose semble préoccuper. Il fera déplacer la caméra pour trouver un meilleur axe. Et puis finalement, il y renoncera. Love Streams, le film, est beaucoup plus théâtral, a beaucoup plus de sous-intrigues, de pièces, de morceaux anecdotiques que la pièce qui était plus maigre, plus nette, qui était plus stylisée et finalement ressemblant plus, à ma connaissance, à mon idée, à du Cassavetes. Bernard Eisenschitz. Il n'y avait pas, par exemple, les visions dans la pièce, et il y avait, mais en revanche, tout se fabriquait sur les acteurs. Le décor, donc, était un décor unique, C'était un dispositif scénique unique, donc il y avait la place pour 100, 120 spectateurs, quelque chose comme ça. C'était, donc les gens avaient vraiment le nez sur les acteurs. Et pour donner un exemple, l'appartement de Jenna Rollins au début servait par la suite comme appartement du personnage joué par Cassavetes dans le film, qui était joué par John Voight. Et les déplacements à l'intérieur, c'était des espaces vraiment minuscules. Et les déplacements à l'intérieur, qui étaient des déplacements très complexes et difficiles, les gens passaient par un couloir, on les apercevait par une fenêtre avant qu'ils entrent vraiment, étaient des déplacements qui se répétaient d'un appartement dans l'autre, puisque le lieu était le même, mais qui avaient un poids tout à fait différent, avaient une fonction tout à fait différente selon qu'on était dans un appartement ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il arrivait avec simplement en faisant travailler les acteurs à créer des espaces dans des murs fixes, avec des modifications minimes de mobilier, d'accessoires, pas de décor. Mm-hmm. Et par exemple, le grand appartement de la fin, la trouvaille qui était absolument fabuleuse, était que le chien, qui apparaît très tard dans le film Love Streams, était constamment présent là, et c'était un acteur. Et c'était un acteur, en short, absolument réaliste comme grand chien, mais en même temps faisant la taille d'un grand bonhomme. Type de 1m80 qui se baladait à quatre pattes, ou qui, quand il courait, était sur ses deux pattes, mais qui était d'une vérité criante. Il y avait des marches, des déclivités, des mini-couloirs où on voyait passer les gens à travers des ouvertures, et les déplacements dans une pièce n'étaient pas les déplacements traditionnels des comédiens dans une pièce de Noël Coward ou de Bernard Shaw, mais au contraire était une espèce d'action physique assez complexe. Vous disiez qu'il y avait trois pièces. Alors l'idée de Cassavetes, ça s'appelait d'une manière, il fallait bien trouver un titre, ça s'appelait Trois pièces d'amour et de haine. Et ce que Cassavetes avait fait, c'était, il était entre deux films, il avait loué un lieu qui était une école d'art dramatique à Hollywood, et qui n'est pas du tout conçu comme un théâtre. Il avait complètement reconstruit, refait le lieu pour en faire une salle de spectacle, mais cette salle, donc assez peu pratique, que je vous ai dit, il n'y avait pas de plafond, donc on ne pouvait pas dégager, il n'y avait pas de matinée parce que le soleil tapait. Et il avait monté trois pièces qui devaient être données pendant un mois, qui ne pouvaient pas être données un jour de plus que pendant un mois, donc 10 représentations approximativement de chaque pièce en alternance, et chacune des pièces avec une distribution assez fournie. Je crois me souvenir qu'il y avait 15-20 comédiens par pièce. Et évidemment, Cassavetes était la seule personne à faire les 3-8, à être sur les trois spectacles, sinon dans. Alors les trois pièces étaient c'était des jeunes acteurs, ils n'étaient pas payés d'ailleurs, et il y avait donc des vedettes sur chacune des pièces. Il y avait sur The Third Day Comes, Jenna Rollins et Michael Maguire, qui est un acteur de théâtre, et le fils de Cassavetes, qui s'appelle Nick Cassavetes, qui est un jeune, un grand garçon de 20 ans. Cette pièce s'appelait The Third Day Comes, et c'était une pièce de Ted Allen, l'auteur de Love Streams, qui utilise les mêmes personnages que Love Streams, enfin qui présente les personnages de Love Streams 20 ans ou 10 ans, 20 ans avant. C'est la crise d'adolescence d'un frère et d'une sœur au Canada. The Third Day is Come. Le troisième jour vient, citation biblique. Et ça se passe pendant la dépression au Canada. Et donc, Love Streams se voyait. On n'était pas du tout censé voir les trois pièces à la suite, puisque deux des pièces avaient un rapport uniquement par les deux personnages principaux, mais la troisième était une pièce séparé, une pièce de Cassavetes avec Peter Falk. Alors, comment vous traduisez-vous Love Streams, courant d'amour? Oui, courant d'amour, fleuve d'amour. C'est ça, Knives, couteau, le Third Day Comes, le troisième jour vient. Et Knives, donc c'est une pièce écrite par Cassavetes. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pièce-là? C'est l'histoire d'un meurtre, c'est l'histoire d'un meurtre dans les milieux du spectacle. Il y a des allers-retours dans le temps. C'est une histoire assez tendue. Histoire d'un meurtre dans les milieux du spectacle. Oui, c'est un ton très criard, c'est un ton très, très strident, très satirique. Ne demandez pas de vous raconter l'histoire. Pourquoi vous ne vous en souvenez plus? Si, si, non, mais les histoires, c'est rien. Raconter une histoire, c'est rien. Oui. C'est Pariscope. Vous ne savez pas ce que fait, en fait, Cassavetes. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'était... Bon, j'ai trouvé personnellement, j'étais très touché par les deux pièces de Ted Allan, moins par celle de Cassavetes, mais je crois que l'idée pour lui, c'était un peu l'idée de la performance, de faire ces trois choses et de les faire de manière très, très définie dans le temps. Enfin, c'était un petit peu... Ça tenait un peu à sa nature de travail, enfin, une espèce de travail à bout de nerfs, ou à bout de force, à bout de bras, où on fait les choses comme ça, sur une énergie maximale, concentrée dans un temps minimum. Et c'était d'ailleurs, ça a permis à la presse de Los Angeles, ou aux critiques théâtraux de Los Angeles, de se surpasser en trouvant pour critiquer les trois pièces la formule que vous pouvez certainement deviner, qui est, c'est pas du théâtre, c'est du cinéma, pour démolir les pièces. Oui, que dans ce spectacle, il y avait une énergie formidable. Oui, c'est pas quelque chose, c'est pas ce qu'on attend du théâtre spécifiquement ou du cinéma spécifiquement, c'est simplement le travail que fait quelqu'un comme Cassavetes, que ça se passe, s'il faisait du jazz, ça serait peut-être la même chose, ou s'il écrivait des romans, ça serait peut-être la même chose. L'aspect de technique des différentes formes n'a pas tellement d'importance. Bon, dans ce cas, c'était des pièces qui étaient... C'était des spectacles qui étaient extrêmement intenses dans les rapports entre... Ce sont des rapports très bougeants entre des gens qui sont toujours à la limite. À la limite de quoi? Oh, c'était des histoires de limite de névrose, aussi bien dans le cas de Knives, où on ne savait pas si quelqu'un avait tué ou non, et s'il avait tué pourquoi, que dans le cas de Third Day Comes, qui était une histoire de passage pénible à l'âge adulte, que dans Love Streams, que vous connaissez, enfin dont vous connaissez. En tout cas, l'histoire. Non, il y avait un sens de rythme, un sens charnel qu'on n'a pas souvent au théâtre, qui est tout à fait différent de la conception traditionnelle, surtout américaine, du théâtre, qui est une conception beaucoup plus académique. Enfin, le théâtre aux États-Unis, c'est une représentation d'un spectacle avec des actes. Avec des morceaux choisis, enfin des grands morceaux, musicaux ou pas musicaux, avec des intensités qui tiennent à des numéros d'acteurs. Là, il n'y a pas de numéro d'acteurs. D'ailleurs, chez Cassavetes, je crois qu'il n'y a pas de numéro d'acteurs. Il y a des acteurs qui sont au bout de quelque chose, qui vont loin dans ce qu'ils font et qui tiennent sur les nerfs. Oui, il y a évidemment aussi dans le théâtre américain, il y a l'underground, enfin il y a l'off-Broadway ou l'off-off-Broadway, mais là c'est aussi autre chose, parce que Cassavetes reste très quelqu'un qui raconte des histoires qui n'ont pas une... On peut pas dire que ses pièces aient une grande valeur littéraire, elles tenaient vraiment, en ce sens-là on peut dire un peu comme des films, mais pourquoi le théâtre ne serait-il pas comme ça? Elles tenaient beaucoup par le rapport qui s'établissait entre un texte qui n'était pas un texte d'une grande valeur littéraire et les acteurs qui donnaient corps à ce texte. Tout à l'heure, vous aviez employé l'expression famille. C'était très familial, pas seulement à cause de la présence du couple Cassavetes et du fils, de la fille, etc. C'est familial aussi comme type d'entreprise, c'est-à-dire les jeunes acteurs qui étaient là, il y avait une atmosphère d'ensemble qui existe assez rarement, enfin, qui existe en principe au théâtre, mais qui existe rarement à ce stade-là. Et puis l'autre chose, c'est évidemment que la famille Cassavetes travaille de cette manière-là, que si Cassavetes arrive à faire des films, c'est aussi parce qu'il les fait d'une manière artisanale et familiale. Cassavetes, là où il m'intéressait absolument le plus, c'est comme quand il est pris comme acteur dans les films qu'il ne fait pas, et notamment dans le Polanski, où je trouve qu'il est absolument, absolument remarquable. Ce qui m'a toujours extraordinairement gêné chez cet homme-là, c'est à quel point, je crois que c'est quelqu'un qui, en fait, sous des dehors de critiquer, enfin dans le travail qu'il fait, sous des dehors de critiquer le mode de représentation hollywoodien, en est une incarnation absolument extraordinaire. Et autant, le grand acteur hollywoodien ou le mode de représentation hollywoodienne m'intéresse beaucoup, quand, par exemple, c'est Jean Renoir qui se retrouve aussi, ne pas être un hollywoodien, mais qui fait ça. Bon, autant le travail de Cassavetes, et notamment dans le dernier film, me pose je suis pas pour, enfin disons, il me semble que c'est quelque chose de perdu quelque part. Oui, ben, alors moi j'avais envie de répondre à ce qu'il vient de dire, donc je vais le faire. C'est que en fait c'est vrai cette histoire que Cassavetes aurait pu être ou correspond à ce que serait un grand acteur hollywoodien. Sauf qu'une chose se passe, c'est que Hollywood n'existe plus, donc il ne peut plus faire que effectivement la représentation de ça, c'est-à-dire de la disparition d'Hollywood, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cinéma hollywoodien. Il n'y a plus de rôle hollywoodien, c'est devenu complètement autre chose. Oui, mais il ne fait pas que ça, il ne fait pas que se référer à un système hollywoodien, il fait aussi autre chose. C'est, je ne sais pas ce que c'est qu'un cinéma parallèle, je ne sais pas s'il fait un cinéma parallèle, mais ce qu'il fait, c'est quand même autre chose. Il existe à travers ce qu'il fait, ce n'est pas seulement en référence qu'il existe. Il y a des choses qui passent, et ce n'est pas seulement des choses qui passent en référence. Attends, il ne s'agit pas de dire qu'il fait un cinéma contre. Et il fait un cinéma et il est nourri par quelque chose. C'est différent. C'est-à-dire que c'est passé à travers son corps, c'est passé à travers son physique, c'est passé à travers son visage, tout ça. Et il ne s'agit pas d'une décision intellectuelle ridicule qui consisterait à dire « je fais du cinéma contre cela ». C'est pas ça. C'est qu'il fait du cinéma avec cela et avec tout ce qui a changé depuis, enfin. En même temps, une chose qui... moi, m'arrête un peu par rapport à ce travail-là, c'est la recherche de l'hystérie. Ça, c'est une chose que j'aime moins. Enfin, c'est le paroxysme, enfin, la demande du paroxysme, comme ça. C'est-à-dire que dans Gloria, il y a effectivement des demandes de paroxysme, dans Une femme sous influence aussi, enfin, il y a des plans très, très, très longs sur Gina Roland, etc. Et là, j'adhère moins. Enfin, en fait, cette relation avec Cassavetes est double, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une sorte d'affection tout à fait primitive pour cette personne et cette position qu'il a dans le cinéma américain, et donc qui amène à une sorte de défense, j'ai envie de dire presque systématique, enfin, de son travail, de cette position de producteur indépendant qui travaille très peu, c'est-à-dire une position presque politique par rapport à un système de production, et puis qui me ferait presque passer sur un certain nombre de choses que je n'aime pas, c'est-à-dire que je les défendrais même par moments de mauvaise foi, je peux dire, je défendrais par rapport à une liberté pour le cinéma, enfin. Même si certains moments me dérangent ou j'adhère beaucoup moins, mais c'est peut-être pour cette position de courage ou de jusqu'au boutiste, enfin, que j'ai envie de... Qu'est-ce que tu dirais d'agréable sur John Cassavetes ? Parce que ce que je dirais d'agréable sur John Cassavetes, c'est que comme acteur, metteur en scène, intéressé par les gens, intéressé par les acteurs, intéressé par la représentation jusqu'à l'extrême, c'est formidable. On voit rarement ça. Bon. En même temps, ça me gêne. C'est très curieux. C'est quelqu'un qui me partage, comme s'il y avait cet intérêt pour la réalité des acteurs et en même temps pour un intérêt pour montrer le travail des acteurs et le travail du cinéaste. Cassavetes ne me gêne jamais comme acteur. Me gêne toujours comme réalisateur, et mais absolument toujours. Bon, et il y a un exemple, par exemple, qui me frappe beaucoup sur le côté de la complaisance, c'est dans Husbands, bon, qui est un film qui est fait, bon, à sa manière, à sa façon, et où à la fin, donc, les personnages rentrent chez eux, rejoignent leurs domiciles conjugaux respectifs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait entre temps? Et oui, bon, ils sont partis en Angleterre, ils ont mené la vie, des hommes se rencontrent comme ça. Et quand ils rentrent chez eux, il y a un plan que je trouve absolument abominable. Je suis contre ça, et je sens toujours ça chez Cassavetes, et là, il le montre. Alors, et c'est jusqu'à ce degré de montrer ça qui ne me plaît pas, il montre le micro qui rentre dans le champ. Et ça, j'aime pas du tout. Il le fait, c'est tout à fait délibéré. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, alors c'est très très méchant ce que je vais dire, mais de la prétention brechtienne chez ce type-là, alors que ça y est, jamais. Bon, son travail se tient ailleurs. je veux dire, ce qu'il a envie de montrer, c'est-à-dire les âmes en représentation, des gens en représentation, des tics, des grimaces, des choses, tout ça, il le fait très très très bien. Mais quand il essaie de prendre la distance vis-à-vis de ça, eh bien, le seul recours qu'il ait, c'est de montrer le micro dans le champ, et ça, je suis pas d'accord. Mais ça, c'est ça, tu le dis par rapport à un seul film. Tu le vois aussi dans les autres films. Si c'est pas le micro, c'est autre chose. Si c'est pas le micro, c'est autre chose. Oui, c'est pas autre chose. C'est une façon de jouer faux. C'est pas un regard agréable, bien sûr, Casavette. C'est pas un regard sympathique que tu as. Le mien? Je sais pas. Peut-être, oui, peut-être. Ouais. Oui, c'est possible, tout à fait possible. On va avoir un regard beaucoup plus sympathisant avec lui. Fills my eyes. I think I'll step inside to feel the fire. Hang up. En fait, ce qui est perceptible, consciemment ou non, c'est qu'en fait, se joue tout le temps dans les films de Cassavetes leur destin personnel, à tous les deux. C'est-à-dire que, quand on parlait d'Hollywood tout à l'heure, Gina Rowlands, c'était une jeune actrice hollywoodienne qui marchait très très bien, qui a arrêté sa carrière pour épouser Cassavetes et vivre avec lui. Et elle a peut-être fait encore quelques petites choses à un moment, mais elle a arrêté ce côté-là. Et j'ai, moi, très souvent, une sorte d'intuition qui est peut-être totalement fausse, mais que en tous ces rôles qui sont écrits par lui pour elle sont une sorte de confortation pour eux deux du juste choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de sauvetage de l'un et de l'autre qui passe par le cinéma. Et ça se sent très, très fort. Enfin, on sent que c'est fait pour elle, on sent que c'est fait pour lui, pour eux, pour leur choix. Et ça, c'est en dehors du cinéma. Mais néanmoins, on le ressent. C'est-à-dire que ça nous touche. Et ça amène ce sentiment très, très curieux de, à la fois, affection, j'ai envie de dire, pour cette démarche-là. En fait, il y a une démarche complètement folle, enfin, de renier tout un système. Oui, oui, enfin, il y a une sorte de choix déterminé, suicidaire par rapport à un système de production, et qu'ils maintiennent contre vent et marée ensemble. Et ça, même si on ne le sait pas, je crois qu'on le ressent, et que ça joue aussi dans la perception des films des films, enfin, dans la perspective qu'on en a. C'est peut-être là où le cinéma de ces deux personnes, parce qu'ils sont complètement indissociables, elle n'est pas dans tous ces films, mais elle est dans beaucoup de films en tout cas. Et c'est peut-être en cela où c'est le travail est le plus intéressant, c'est que leur histoire personnelle et cet abandon à l'américaine de ce système hollywoodien pour en même temps reconstruire des histoires... où c'est très très difficile de se débarrasser de ça, donc on le retrouve là, sous les dehors que nous, en Europe, on a tendance à théoriser peut-être très facilement. Le cinéma, c'est pas tout à fait par hasard si le cinéma de cet homme marche mieux en Europe qu'il ne marche aux États-Unis. Mais il est très très empêtré de ça. Et c'est peut-être cet empêtrement-là qui l'est fait le plus américain, enfin, je veux dire, pour moi. Bon, me semble-t-il, les plus proches de nous. Ce que j'ai envie de dire, en fait, je crois que petit à petit on arrive à cerner, c'est en fait parce que je trouve que c'est un cinéma totalement impudique. Et que même quand il y a des choses que je trouve ratées ou que je n'aime pas, ça ne peut pas me laisser indifférente. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impudeur affichée. Tu vois, et c'est pas du tout, c'est sur des registres très très secrets qu'est l'impudeur, pas une impudeur genre, je sais pas, l'empire des sens ou n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt, mais c'est une, parce que par exemple, elle n'est jamais filmée sur le charme. Elle n'est jamais filmée sur la séduction, sur les codes traditionnels de la séduction. Elle est filmée sur des choses qui sont beaucoup plus troubles. En fait. Sur ses failles, hein. Elle est, oui, elle est, c'est ça. Pour moi, et c'est de dire, il faut essayer de saisir les quelques minutes de la vie où vraiment on vit sa vie. C'est-à-dire, je crois que dans une existence normale, de, je sais pas, de 60, 70 ans, ou même 100, peu importe, en réalité, on vit pas beaucoup. On vit peut-être, je sais pas si on vit quelques semaines, si on ajoute. Je crois qu'on, des fois, il peut se passer 15 jours sans qu'on vive vraiment, et que tout à coup, crac, on a 5 secondes extraordinaires, où là, vraiment, on a l'impression qu'on a touché quelque chose, où la vie vous a touché, quelque chose. Bon. Et que ce qu'il essaie, lui, c'est d'essayer d'attraper ces moments-là. John Cazavetz, Moment d'amour. Une émission proposée par Cécile Amsi. Avec André-Sylvain Labarthe, Françoise Lebrun, Guy Dana, Laurence Gavron, Jimmy Glasberg, Claude Thiebaud, Bernard Eisenschitz. Et les voix de John Cazavetz et Ben Gazzara, document des archives de l'INA et de l'émission Cinéma Cinéma avec Claude Ventura. Groupe de réalisation, Josette Etier, Philippe Destrébec, Sylvie Migaud, Jacques Taroni. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 novembre 1985. Thank you. never wanted to.